Chapitre 65e. La nuit des noces de Monsieur le Dauphin. Le Dauphin ouvrit la porte de la chambre nuptiale, ou plutôt de l'antichambre qui la précédait. L'archiduchesse, en long peignoir blanc, attendait dans le lit doré, à peine affaissée par le poids si léger de son corps frêle et délicat. Et, chose étrange, si l'on eût pu lire sur son front, à travers le nuage de tristesse qui le couvrait, on y eût reconnu, au lieu de la douce attente de la fiancée, la terreur de la jeune fille menacée d'un de ces dangers que les natures nerveuses voient en pressentiment et supportent quelquefois avec plus de courage qu'elles ne les ont pressentis. Près du lit, Madame de Noailles était assise. Les dames se tenaient au fond, attentives aux premiers gestes de la dame d'honneur qui leur ordonnerait de se retirer. Celle-ci, fidèle aux lois de l'étiquette, attendait impassiblement l'arrivée de Monsieur le Dauphin. Mais, comme si cette fois toutes les lois de l'étiquette et du cérémonial eussent dû céder à la malignité des circonstances, il se trouva que les personnes qui devaient introduire Monsieur le Dauphin dans la chambre nuptiale, ignorant que Son Altesse, d'après les dispositions du roi Louis XV, devait arriver par le corridor IX, attendaient dans une autre antichambre. Celle où venait d'entrer Monsieur le Dauphin était vide, et la porte qui donnait dans la chambre à coucher étant légèrement entrebâillée, il en résultait que Monsieur le Dauphin pouvait voir et entendre ce qui se passait dans cette chambre. Il attendit, regardant à la dérobée, écoutant furtivement. La voix de Madame la Dauphine s'éleva pure et harmonieuse, quoique un peu tremblante. « Par où entrera Monsieur le Dauphin ? » demanda-t-elle. « Par cette porte, Madame, » dit la Duchesse de Noailles. Et elle montrait la porte opposée à celle où se trouvait Monsieur le Dauphin. « Et qu'entend-on par cette fenêtre ? » ajouta la Dauphine. « On dirait le bruit de la mer. » C'est le bruit des innombrables spectateurs qui se promènent à la lueur de l'illumination et qui attendent le feu d'artifice. L'illumination, dit la Dauphine avec un triste sourire, elle n'a pas été inutile ce soir car le ciel est bien lugubre. Avez-vous vu, madame? En ce moment, le Dauphin, ennuyé d'attendre, poussa doucement la porte, passa sa tête par l'entrebâillement et demanda s'il pouvait entrer. Madame de Noailles poussa un cri car elle ne reconnut pas le prince d'abord. Madame la Dauphine, jetée par les émotions successives qu'elle avait éprouvées dans cet état nerveux où tout nous effraie, saisit le bras de Madame de Noailles. « C'est moi, madame, » dit le Dauphin, « n'ayez pas peur. »« Mais pourquoi par cette porte ?» demanda Madame de Noailles. « Parce que, » dit le roi Louis XV, en passant à son tour sa tête cynique par la porte entrebâillée, « parce que Monsieur de la Vauguyon, en véritable jésuite qu'il est, sait trop bien le latin, les mathématiques et la géographie, et pas assez autre chose. » En présence du roi, arrivant ainsi inopinément, Madame la Dauphine s'était laissée glisser de son lit et se tenait debout, enveloppée de son grand peignoir qui la cachait du bout des pieds jusqu'au cou aussi hermétiquement que la stole d'une dame romaine. « On voit bien qu'elle est maigre, » murmura Louis XV. « Au diable, monsieur de Choiseul, qui parmi toutes les archiduchesses va justement me choisir celle-là. »« Votre Majesté, » dit Madame de Noailles, « peut remarquer que, quant à ce qui me concerne, l'étiquette a été strictement observée. Il n'y a que du côté de Monseigneur le Dauphin. « Je prends l'infraction sur mon compte, » dit Louis XV, « et c'est trop juste, puisque c'est moi qui l'ai fait commettre. Mais comme la circonstance était grave, ma chère Madame de Noailles, j'espère que vous me la pardonnerez. Je ne comprends pas ce que votre Majesté veut dire. Nous nous en irons ensemble, Duchesse, et je vous conterai cela. Maintenant, voyons que ces enfants se couchent. » Madame la Dauphine s'éloigna d'un pas du lit et saisit le bras de Madame de Noailles, avec plus de terreur peut-être que la première fois. « Oh, par grâce, madame, » dit-elle, « j'en mourrai de honte. »« Sire, » dit Madame de Noailles, « Madame la Dauphine vous supplie de la laisser se coucher comme une simple bourgeoise. »« Diable, diable, et c'est vous qui demandez cela, madame l'étiquette ?»« Sire, je sais bien que c'est contraire aux lois du cérémonial de France, mais regardez l'archiduchesse. » En effet, Marie-Antoinette, debout, pâle, se soutenant de son bras raidi au dossier d'un fauteuil, eût semblé une statue de l'effroi, si l'on eût entendu le léger claquement de ses dents accompagnant la sueur froide qui coulait sur son visage. « Oh, je ne veux pas contrarier la Dauphine à ce point, » dit Louis XV, prince aussi ennemi du cérémonial que Louis XIV en était ardent sectateur. « Retirons-nous, Duchesse. D'ailleurs, il est des serrures aux portes, et ce sera bien plus drôle. » Le Dauphin entendit ces dernières paroles de son grand-père et rougit. La Dauphine entendit aussi, mais elle ne comprit pas. Le roi Louis XV embrassa sa bru Il sortit entraînant la duchesse de Noailles et riant de ce rire moqueur, si triste pour ceux qui ne partagent pas la gaieté de celui qui rit. Les autres assistants sortirent par l'autre porte. Les deux jeunes gens se trouvèrent seuls. Il se fit un instant de silence. Enfin, le jeune prince s'approcha de Marie-Antoinette. Son cœur battait violemment. Il sentait affluer à la poitrine, aux tempes, aux artères des mains, ce sang révolté de la jeunesse et de l'amour. Mais il sentait son grand-père derrière la porte, et ce regard cynique, plongeant jusque dans l'alcôve nuptiale, glaçait encore le dauphin, fort timide d'ailleurs, et fort gauche de sa nature. « Madame, dit-il en regardant l'archiduchesse, souffririez-vous? Vous êtes bien pâle, et l'on dirait que vous tremblez. « Monsieur, dit-elle, je ne vous cacherai pas que j'éprouve une agitation étrange. Il faut qu'il y ait quelque violent orage au ciel. L'orage a une influence terrible sur moi. « Ah, vous croyez que nous sommes menacés d'un ouragan ? Dit le dauphin. « Oh, j'en suis sûr, tout mon corps tremble, voyez. » Et en effet, tout le corps de la pauvre princesse semblait frémir sous des secousses électriques. En ce moment, comme pour justifier ses prévisions, un coup de vent furieux, un de ces souffles puissants qui poussent la moitié des mers sur l'autre et qui rasent les montagnes, pareil au premier cri de la tempête qui s'avançait, emplit le château de tumulte, d'angoisse et de craquements intenses. Les feuilles arrachées aux branches, les branches arrachées aux arbres, les statues arrachées à leur base, une longue et immense clameur des 100 000 spectateurs répandue dans les jardins, un mugissement lugubre et infini courant dans les galeries et dans les corridors du château, composèrent en ce moment la plus sauvage et la plus lugubre harmonie qui ait jamais vibré aux oreilles humaines. Puis un cliquetis sinistre succéda au mugissement. C'étaient les vitres qui, brisées en 1000 pièces, tombaient sur les marbres des escaliers et des corniches en lançant cette note saccadée et nerveuse qui grince en s'envolant de l'espace. Le vent avait du même coup arraché du pêne une des persiennes mal fermées qui avait été battre contre la muraille comme l'aile gigantesque d'un oiseau de nuit. Partout, les fenêtres étaient ouvertes dans le château, les lumières s'éteignirent, anéanties par ce coup de vent. Le dauphin s'approcha de la fenêtre, sans doute pour refermer la persienne, mais la dauphine l'arrêta. « Oh, monsieur, monsieur, par grâce, » dit-elle, « n'ouvrez pas cette fenêtre, nos bougies s'éteindraient et je mourrai de peur. » Le dauphin s'arrêta. On voyait, à travers le rideau qu'il venait de tirer, les cimes sombres des arbres du parc agitées et tordues, comme si le bras de quelque géant invisible eût secoué leur tige au milieu des ténèbres. Toutes les illuminations s'éteignirent. Alors on put voir au ciel des légions de grosses nuées noires qui roulaient en tourbillonnant, ainsi que des escadrons lancés à la charge. Le dauphin resta pâle et debout, une main appuyée à l'espagnolette de la fenêtre. La dauphine tomba sur une chaise en posant un soupir. « Vous avez bien peur, madame ? » demanda le dauphin. « Oh oui. Cependant, votre présence me rassure. Oh, quelle tempête ! Quelle tempête ! Toutes les illuminations se sont éteintes. « Oui, dit Louis, le vent souffle sud-sud-ouest et c'est celui qui annonce les ouragans les plus acharnés. S'il continue, je ne sais comment on fera pour tirer le feu d'artifice. « Oh, monsieur, pour qui le tirerait-on ? Personne ne restera dans les jardins par un pareil temps. « Ah, madame, vous ne connaissez pas les Français. Il leur faut leur feu d'artifice. Celui-là sera superbe. Le plan m'en a été communiqué par l'ingénieur. Et tenez, voyez que je ne me trompais pas, voici les premières fusées. » En effet, brillantes comme de longs serpents de flammes, les fusées d'annonce s'élancèrent vers le ciel. Mais en même temps, comme si l'orage eût pris ses jets brûlants pour un défi, un seul éclair, mais qui sembla fondre le ciel, serpenta entre les pièces d'artifice et mêla son feu bleuâtre au feu des fusées. « En vérité, dit l'archiduchesse, c'est une impiété à l'homme que de lutter avec Dieu. » Ces fusées d'annonce n'avaient précédé l'embrasement général du feu d'artifice que de quelques secondes. L'ingénieur sentait qu'il lui fallait se presser, et il mit le feu aux premières pièces, que salua une immense clameur de joie. Mais, comme s'il eût en effet lutte entre la terre et le ciel, comme si, ainsi que l'avait dit l'archiduchesse, l'homme eût commis une impiété envers son Dieu, l'orage, irrité, couvrait de sa clameur immense la clameur populaire, et toutes les cataractes du ciel, souvent à la fois, des torrents de pluie, se précipitèrent du haut des nues. Le vent avait éteint les illuminations, l'eau éteignit le feu d'artifice. « Ah, quel malheur !» dit le dauphin. « Voilà le feu d'artifice manqué. »« Eh, monsieur !» répliqua tristement Marie-Antoinette. « Tout ne manque-t-il pas depuis mon arrivée en France ?»« Comment cela, madame ? Avez-vous vu Versailles ?»« Sans doute, madame. Versailles ne vous plaît-il point ? Oh, si fait !»« Versailles me plairait s'il était aujourd'hui tel que l'a laissé votre illustre aïeul Louis XIV. Mais dans quel état avons-nous trouvé Versailles? Dites. Partout le deuil, la ruine. Oh oui, oui, la tempête s'accorde bien avec la fête qu'on me fait. N'est-il pas convenable qu'il y ait un ouragan pour cacher à notre peuple les misères de notre palais? La nuit ne sera-t-elle pas favorable et bienvenue, qui cachera ces allées pleines d'herbes, ces groupes de tritons vaseux, ces bassins sans eau et ces statues mutilées? Oui, oui, souffle, vent du sud, mugis, tempête, amoncelez-vous, épais nuages, cachez bien à tous les yeux l'étrange réception que fait la France à une fille des Césars, le jour où elle met sa main dans la main de son roi futur. Le dauphin, visiblement embarrassé, car il ne savait que répondre à ses reproches et surtout à cette mélancolie exaltée, si loin de son caractère, le dauphin poussa à son tour un long soupir. « Je vous afflige, » dit Marie-Antoinette. « Cependant, ne croyez pas que ce soit mon orgueil qui parle. Non, non, il n'en est rien. Que ne m'a-t-on montré seulement ce Trianon si riant, si ombreux, si fleuri, dont, hélas, l'orage effeuille sans pitié les bosquets, trouble les eaux? Je me fusse contenté de ce nid charmant. Mais les ruines m'effraient. Elles répugnent à ma jeunesse. Et pourtant, que de ruines va encore faire cet affreux ouragan ?» Une nouvelle bourrasque, plus terrible encore que la première, ébranla le palais. La princesse se leva, épouvantée. « Oh mon Dieu, dites-moi qu'il n'y a pas de danger. Dites-le-moi, y en eut-il? Je meurs d'effroi. Il n'y en a point, madame. Versailles, bâti en terrasse, ne peut attirer la foudre. S'il tombait, ce serait probablement sur la chapelle qui a un toit aigu, ou sur le petit château qui offre des aspérités. Vous savez que les pointes sollicitent le fluide électrique et que les corps plats, au contraire, les repoussent. « Non, » s'écria Marie-Antoinette, « je ne sais pas, je ne sais pas. » Louis prit la main de l'archiduchesse, main palpitante et glacée. En ce moment, un éclair blafard inonda la chambre de ses lueurs livides et violacées. Marie-Antoinette poussa un cri et repoussa le dauphin. « Mais, madame, » demanda-t-il, « qu'y a-t-il donc ?»« Oh, » dit-elle, « vous m'avez apparu à la lueur de cet éclair pâle, défait, sanglant. J'ai cru voir un fantôme. » « C'est la réflexion du feu de soufre, » dit le prince, « et je puis vous expliquer. » Un effroyable coup de tonnerre, dont les échos se prolongèrent en gémissant, jusqu'à ce qu'arriver au point culminant, il commença à se perdre dans le lointain. Un effroyable coup de tonnerre coupa court à l'explication scientifique que le jeune homme allait donner flegmatiquement à sa royale épouse. « Allons, madame, » dit-il après un moment de silence, « du courage, je vous prie. Laissons ces craintes aux vulgaires. » L'agitation physique est une des conditions de la nature. Il ne faut pas plus s'en étonner que du calme. Seulement, le calme et l'agitation se succèdent. Le calme est troublé par l'agitation. L'agitation est refroidie par le calme. Après tout, madame, ce n'est qu'un orage. Et un orage est un des phénomènes les plus naturels et les plus fréquents de la création. Je ne sais donc pas pourquoi on s'en épouvanterait. Oh, isolé, peut-être, ne m'épouvanterait-il pas ainsi. Mais cet orage... Le jour même de nos noces, ne vous semble-t-il pas un effroyable présage, joint à ceux qui me poursuivent depuis mon entrée en France? « Que dites-vous, madame ? » s'écria le dauphin, ému malgré lui d'une terreur superstitieuse. « Des présages, dites-vous ? » ?»« Oui, oui, affreux, sanglants. » « Et ces présages, dites-les, madame. » « On m'accorde en général un esprit ferme et froid. Peut-être ces présages qui vous épouvantent, aurais-je le bonheur de les combattre et de les terrasser ?»« Monsieur, la première nuit que je passai en France, c'était à Strasbourg. On m'installa dans une grande chambre où l'on alluma des flambeaux, car il faisait nuit. Or, ces flambeaux allumés, leur lueur me montra une muraille ruisselante de sang. J'eus cependant le courage d'approcher des parois et d'examiner ces teintes rouges avec plus d'attention. Ces murs étaient tendus d'une tapisserie qui représentait le massacre des innocents. Partout le désespoir avec des regards désolés, le meurtre avec des yeux flamboyants, partout l'éclair de la hache ou de l'épée, partout des larmes, des cris de mère, des soupirs d'agonie semblaient s'élancer pêle-mêle de cette muraille prophétique qui, à force de la regarder, me semblait vivante. Oh, glacée de terreur, je ne pus dormir. Et dites, dites, voyons, n'était-ce pas un triste présage? Pour une femme de l'Antiquité peut-être, madame, mais non pour une princesse de notre siècle. Monsieur, « ce siècle est gros de malheur, ma mère me l'a dit, comme ce ciel qui s'enflamme au-dessus de nos têtes est gros de soufre, de feu et de désolation. Oh, voilà pourquoi j'ai si peur, voilà pourquoi tout présage me semble un avertissement. Madame, Aucun danger ne peut menacer le trône, nous montons. Nous vivons, nous autres rois, dans une région au-dessus des nuages. La foudre est à nos pieds, et quand elle tombe sur la terre, c'est nous qui la lançons. Hélas, hélas, ce n'est point ce qui m'a été prédit, monsieur. Et que vous a-t-on prédit? Quelque chose d'affreux, d'épouvantable. On vous a prédit. Ou plutôt, on m'a fait voir. Voir? Oui, je l'ai vu, vous dis-je. Et cette image restait dans mon esprit. Restait si profondément qu'il n'y a pas de jour où je ne frissonne en y songeant. Pas de nuit où je ne la revois en rêve. Et ne pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? A-t-on exigé de vous le silence? Rien, on n'a rien exigé. Alors dites, madame. Écoutez, c'est impossible à décrire. C'était une machine, élevée au-dessus de la terre comme un échafaud. Mais cet échafaud s'adaptait comme les deux montants d'une échelle et entre ces deux montants glissait un couteau, un couperet, une hache. Je voyais cela, et chose étrange, je voyais aussi ma tête au-dessous du couteau. Le couteau glissa entre les deux montants et sépara de mon corps ma tête qui tomba et roula à terre. Voilà ce que j'ai vu, monsieur, voilà ce que j'ai vu. Pure hallucination, madame, dit le dauphin. Je connais à peu près tous les instruments de supplice à l'aide desquels on donne la mort et celui-là n'existe point, rassurez-vous donc. Hélas, dit Marie-Antoinette, hélas, je ne puis chasser cette odieuse pensée. J'y fais ce que je puis, cependant. Vous y parviendrez, madame, dit le dauphin en se rapprochant de sa femme. Il y a près de vous, à partir de ce moment, un ami affectueux, un protecteur assidu. Hélas, répéta Marie-Antoinette en fermant les yeux et en se laissant retomber sur son fauteuil. Le dauphin se rapprocha encore de la princesse et elle put sentir le souffle de son mari effleurer sa joue. En ce moment, la porte par laquelle était entré le dauphin s'entr'ouvrit doucement. Et un regard curieux, avide, le regard de Louis XV, perça la pénombre de cette vaste chambre que deux bougies demeuraient seules éclairaient à peine en coulant à flot sur le chandelier de vermeil. Le vieux roi ouvra la bouche pour formuler sans doute à voix basse un encouragement à son petit-fils lorsqu'un fracas qu'on ne saurait exprimer retentit dans le palais, accompagné cette fois de l'éclair qui avait toujours précédé les autres détonations. En même temps, une colonne de flammes blanches diapré de verre, se précipita devant la fenêtre, faisant éclater toutes les vitres et écrasant une statue située sous le balcon. Puis, après un déchirement épouvantable, elle remonta au ciel et s'évanouit comme un météore. Les deux bougies s'éteignirent enveloppées par la bouffée de vent qui s'engouffra dans la chambre. Le dauphin, épouvanté, chancelant, ébloui, recula jusqu'à la muraille contre laquelle il demeura adossé. La dauphine, à demi évanouie, alla tomber sur les marches de son prie-dieu, et y demeura ensevelie dans la plus mortelle torpeur. Louis XV, tremblant, crut que la terre allait s'abîmer sous lui et regagna, suivi de Lebel, ses appartements déserts. Pendant ce temps, au loin s'enfuyait, comme une volée d'oiseaux effarés, le peuple de Versailles et de Paris, éparpillé par les jardins, par les routes et par les bois, poursuivi dans toutes les directions par une grêle épaisse, qui déchiquetant les fleurs dans le jardin, les feuillages dans la forêt, les seigles et les blés dans les champs, les ardoises et les fines sculptures sur les bâtiments, ajoutaient le dégât à la désolation. La dauphine, le front dans ses mains, priait avec des sanglots. Le dauphin regardait d'un air morne et insensible l'eau qui ruisselait dans la chambre par les vitres brisées et qui reflétait sur le parquet, en nappe bleuâtre, les éclairs non interrompus pendant plusieurs heures. Cependant, tout ce chaos se débrouilla au matin. Les premiers rayons du jour, glissant sur des nuages cuivrés, découvrirent aux yeux les ravages de l'ouragan nocturne. Versailles n'était plus reconnaissable. La terre avait bu ce déluge d'eau. Les arbres avaient absorbé ce déluge de feu. Partout de la fange et des arbres brisés, tordus, calcinés par ce serpent aux brûlantes étreintes qu'on appelle la foudre. Louis XV, qui n'avait pu dormir, tant sa terreur était grande, se fit habiller à l'aurore par Lebel, qui ne l'avait point quitté, et retourna par cette même galerie, où grimaçait honteusement, aux livides lueurs du petit jour, les peintures que nous connaissons, peintures faites pour être encadrées dans les fleurs, les cristaux et les candélabres enflammés. Louis XV, pour la troisième fois depuis la veille, poussa la porte de la chambre nuptiale et frissonna en apercevant sur le prie-dieu, renversé, pâle avec des yeux violacés comme ceux de la sublime Madeleine de Rubens, la future reine de France, dont le sommeil avait enfin suspendu les douleurs et dont l'aube azurait la robe blanche avec un religieux respect. Au fond de la chambre, sur un fauteuil adossé à la muraille, reposait, les pieds chaussés de soie, étendu dans une mare d'eau, le dauphin de France, aussi pâle que sa jeune épouse, et comme elle, ayant la sueur du cauchemar au front. Le lit nuptial était comme le roi l'avait vu la veille. Louis XV fronça le sourcil. Une douleur qu'il n'avait point ressentie encore traversa comme un fer rouge ce front glacé par l'égoïsme, alors même que la débauche essayait de le réchauffer. Il secoua la tête, poussa un soupir, et rentra dans son appartement, plus sombre et plus effrayé peut-être à cette heure qu'il ne l'avait été dans la nuit.